إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc إن شاء الله aujourd'hui on va faire le sixième cours des annulatifs ou de l'explicatif des annulatifs de l'islam. On est encore dans l'introduction de Cheikh Bazmoul qui consiste à rapporter 15 règles dans le takfir. Et on est arrivé à la 11e règle. Et Inch'Allah, aujourd'hui, comme je l'avais dit la fois passée, normalement, on devrait faire la 11e, la 12e, la 13e et la 14e, Inch'Allah. Et on devrait laisser la 15e et la dernière, qui est très très courte dans le livre, mais que nous, on va, Inch'Allah, allonger, et qui consiste au fait que le marji', c'est-à-dire ceux à qui on revient dans ce qui concerne le takfir, eh bien, ce sont qui ? Ce sont les gens qui détiennent le commandement parmi les ulama et les gouverneurs et les umara, et que ce n'est pas laissé aux individus, ni parmi les gens individus, ni du commun des musulmans. Et donc cette règle-là, pourquoi j'ai dit qu'on va la laisser pour un autre cours à part? Parce que, Inch'Allah, ici il y a la parole de Cheikh Bazmoul qui consiste déjà en une parole d'un shir, mais Inch'Allah on va s'attacher à rapporter des paroles du plus de savants possible. J'ai déjà Cheikh Obeid, il y a déjà Cheikh Fawzan, plusieurs paroles de Cheikh Fawzan, du Mufti. Il y a Cheikh Saleh Ali Cheikh, Inch'Allah, que j'ai encore préparé, qui est une très longue parole. Comme j'avais dit que c'était une interview qu'il avait donnée après des attentats qui s'étaient passés en Arabie Saoudite, sur tout ce qui concerne le takfir, à un journaliste qui lui posait des questions. Et j'avais dit que j'allais le rapporter aussi, tiré de un livre de Cheikh Khalid Abu Abla'al al-Masri, qui est un Cheikh d'Égypte, qui est au Caire, parmi les Cheikhs salafis qui sont connus pour leur salafia, et qui est très proche de Hassan al-Banna et d'autres. Et bien qu'il a fait un livre qui s'appelle « Al-Kawashif al-Jaliyah », c'est-à-dire les choses qui dévoilent de manière claire les différences entre la da'wah salafia et les da'wah hizbiya. Et c'est un cours à la base qui est un cours de Cheikh Bar Ramzan al-Hajiri. Ça, c'est des livres qu'il faut avoir à la maison, dans le manhaj. Quand on le dit toujours, comment tu construis ton manhaj? En écoutant des cassettes des ulama et en lisant les livres de manhaj, les livres de l'aqida de manhaj. Et ce n'est pas ce que tu penses ou ce que ton goût te dit ou ce que ton sentiment te dit ou ce que va avec tes passions, etc. Ce n'est pas comme ça, salafia. Salafia, c'est ce qui se trouve dans les livres, les qawaïd et les règles que les ulama ont tirées du corps de la sunna, sur la compréhension des sahaba. Et bien justement, Cheikh Bar Ramzan al-Hazir, il a fait un cours sous ce titre-là. Et Cheikh Khalid Abu Abla'ala, il a repris ce cours-là en entier. Et il a expliqué chaque fariq, si vous voulez, chaque point distinctif. Et il en a fait un gros volume. Et parmi les points distinctifs, et bien c'est ce qui concerne le takfir. Et il va rapporter en fait dedans, il a rapporté dedans les règles d'Al-Sunna al-Jama'a concernant le takfir et leurs différences par rapport aux autres groupes innovés. Et parmi les règles qu'il a rapportées, eh bien c'est que le takfir il revient au ulama, le takfir des individus spécifiques, il revient aux gens de science. Et donc nous, Inch'Allah, on va faire la semaine prochaine, normalement Inch'Allah, peut-être en un cours, peut-être en plusieurs, je ne sais pas encore, parce qu'il faudrait quand même qu'on rentre dans le livre. Je pense que si on fait un cours en rapportant pas mal de paroles de ulama concernant le fait que ça revient qu'à aux gens renseignés dans la science de juger les individus comme spécifiques comme étant mécréants, je pense qu'en un cours ça devrait suffire. Si on voit que ça ne suffit pas, on ajoutera Inch'Allah. Et donc il y a Cheikh Saleh Ali Cheikh, comme j'ai dit, il y a Cheikh Obeid, il y a Cheikh Al-Fawzan, il y a le Mufti et d'autres parmi les Mashayikh. Et c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à traduire sur notre site sous le titre « Le jugement ». De tekfir sur un individu spécifique revient aux enracinés dans la science. Vous allez en trouver déjà au moins 3 ou 4 déjà sur notre site. Et il y en a que je n'ai pas fini encore. Et parmi ceux que je n'ai pas fini, ben c'est ceux qu'on va faire normalement, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc on est arrivé. Et avant que je commence, vous avez un salam des frères de Belgique. Vous avez un salam de Cheikh Abdallah Adani que j'ai rencontré là-bas. Je n'avais jamais rencontré. Et Lui aussi, en fait, comme un frère m'a dit, c'est qu'il il avait voulu me rencontrer parce qu'il avait entendu parler de moi. Et moi, j'aspirais à le rencontrer aussi, ce cheikh du Yémen, Hafidhahullah Ta'ala, qui est le frère d'Abdurrahman Al-Adani, et qui étudie chez des grands savants comme cheikh Al-Rudayan, comme cheikh Al-Uthaymin, comme cheikh Al-Fawzan, et comme cheikh Mokbel et d'autres. Et donc, il vous passe le salam. Hein, et il a fait un très très bon cours, vraiment très très bon cours, que je vous recommande vivement d'écouter, qui est disponible sur notre site et qui a pour titre « La science ne s'acquiert pas avec le repos du corps ». Il a rapporté l'importance de la science et il a donné des exemples quant aux salafs, les imams de la communauté parmi les plus prédécesseurs, comment ils étaient dans leur quête de la science. Et Allah, c'est un dars qui réveille, sarahatan. Et il a donné des très bons conseils. Et si vous vous sentez un peu faible dans talab al-ilm, que vous n'êtes pas très motivé, que vous avez des difficultés, ou vous êtes un peu fainéant vis-à-vis de ça, mais c'est typiquement le genre de dars que vous devez écouter. Et si ce n'est pas le cas, ben, alhamdoulilah, c'est un rappel. Alhamdoulilah. Hein? Autre point que je voudrais dire aussi avant de commencer, c'est ce qui concerne le dars de Cheikh Barramzan al-Hajiri qu'il avait fait ici en anglais. En tout cas, lui, il l'avait fait en arabe, et Cheikh Abu Hakim, il l'avait traduit en anglais, qui avait pour titre An important matter. Vous vous souvenez de ce dars-là? C'est une affaire importante. Eh bien, c'est un dars que j'ai fait justement dans cette daura la semaine passée, le dimanche, en deux cours. Donc il est en français aussi sur le site. Hein, pour les frères qui voulaient l'avoir en. Donc je lis ce qu'il dit Cheikh Barramzan en arabe et on traduit en français, comme il a fait Cheikh Barramzan, c'est-à-dire parole par parole. Hein. Concernant les livres maintenant, eh bien, c'est que, comme je viens de le dire avant qu'on mette le micro en route, eh bien, c'est que. Il y a eu des problèmes avec la poste, ça n'a pas été envoyé par DHL comme je l'ai demandé, et donc le colis est perdu. Ils ont fait une plainte pour savoir où est-ce qu'ils étaient, etc. À la colihal, en résumé, ils ne sont pas prêts d'arriver pour le moment, Allahu alam. Hein, et j'attends la réponse, sinon on va commander un autre colis de 50 livres, Inch'Allah. Maintenant, on rentre dans le cours, et c'était Al-Dabit al-Hadi Ashar, c'est-à-dire la 11e règle sur le tekfir. Eh bien, c'est l'amr al-kufri, idha kan yahtamil al-kufra wa ghayrahu, lam yuhkam bi annahu kufr, hatta yatabayyan. Eh bien, c'est que l'affaire liée à la mécréance, il se peut que ce soit de la mécréance ou autre chose, on ne juge pas que ce soit de la mécréance jusqu'à ce que cela soit clarifié. Wa idha kan la yatatarraqu ilayhi ghayr al-kufr, hukima bi kufri sahibihi, ba'da thubuti al-shurut wa intifa'i al-mawani'. Et si l'affaire ne peut être que de la mécréance, la personne qui commet cette mécréance est alors jugée comme étant mécréante, et ce, après que les conditions soient réunies et que les barrières soient absentes. Ça, c'est une notion que tous les mashayikhs rapportent. À retourner, comme j'ai dit encore une fois, on a vu dans le Qawaid al-Fiqhiyya, le Cheikh Sa'di, rahimahullah, expliqué par Cheikh Ubaid et par d'autres savants, notamment Cheikh Bazmoul, il l'a expliqué aussi dans le Mutashabih fil Tekfir wal-Jihad, qui est un gros volume sur tout ce qui concerne les ambiguïtés au niveau du Tekfir et du Jihad. Et Cheikh Bazmoul lui-même, il rapporte ce même genre de règle-là, encore une fois, c'est que la yatimul hukm ala shay hatta shurutu tajtami' wal mawani'u tartafi', etc. Hein, c'est une notion qui doit être connue maintenant. D'après عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرجي الكتاب أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت إمرا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات أو قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحديث متفق عليه. Bien, c'est d'après Ubaydullah ibn Abi Rafi'in qu'il a dit, j'ai entendu Ali dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyé moi et Az-Zubayr et Al-Miqdad ibn Al-Aswad, nous disant, partez jusqu'à ce que vous arriviez à Rawdatu Khakh. Rawdatu Khakh, c'est un endroit qui se trouve entre la Mecque et Médine et qui est plus proche de Médine. Car s'y trouve une femme qui voyage en litière. Alors, on ne peut pas rapporter toutes les références, mais c'est quelque chose que j'ai tiré de l'explication de Sahih Muslim, de Sheikh Al-Harawi, Al-Urmi Al-Alawi Al-Harari. Et donc, il dit qu'une femme qui voyage en litière. Et là, ils ont expliqué pourquoi ils ont dit ça, hein, que le Haoudaj, ce qu'on appelle le Haoudaj. Al-Dha'ina, pourquoi on l'appelait Dha'ina ? C'est une femme qui est en voyage et qui est en voyage dans ce qu'on appelle un Haoudaj. Un Haoudaj, c'est ce qu'on appelle en français une litière. C'est un endroit où la femme peut quoi, hein, hein, se coucher, etc., pendant un voyage. Et donc, il dit qu'elle est en possession d'une lettre, prenez-la lui donc. Nous partîmes donc galopant de nos chevaux jusqu'à ce que nous arrivâmes à la Rawda et nous voici devant la femme. C'est un hadith qu'il faut, être bien concentré sur ce hadith parce que c'est un hadith qui casse le dos à Al-Takfir et Al-Khawarij. Hein, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, Inch'Allah. Et les ulama l'ont expliqué en long et en large. Nous lui dîmes, sors la lettre. Elle répondit, je n'ai pas de lettre. Nous dîmes alors, où tu sors la lettre, où nous allons te dévêtir. Regardez les sahaba, ils ont reçu un ordre du prophète, il a dit que tu avais une lettre, hein, nous on veut rien savoir, hein, tu nous sors la lettre. Et par rapport au fait de dévêtir ou pas de dévêtir la femme, etc., Nawawi rahimahullah l'a expliqué, hein, par rapport au maslaha, etc., et que c'est une mufsida, etc., le maslaha par rapport à ça, etc., d'accord. On ne va pas faire trop long non plus, d'accord. Donc retournez par exemple à l'explication de Nawawi rahimahullah, de Sahih Muslim. Vous savez que ce hadith-là, il a été expliqué, il a été rapporté dans un tafsir de... dans Kitab Tafsir de Sahih al-Bukhari. Vous savez que dans le Bukhari, il y a un chapitre qui consacre à l'exégèse du Coran. Ce qu'on appelle Kitab al-Tafsir. Et d'ailleurs, Cheikh Abou al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, on va le citer dans un instant, inshallah, il l'a expliqué en 4 volumes, ce chapitre-là. Hein, ça a été publié aux éditions Maktaba al-Furqan. Et dans le dernier volume de Surat al-Hujurat, d'ailleurs, de Surat al-Mujadala, si je ne me trompe pas, al-Mujadala, eh bien, il rapporte ce hadith-là et il l'explique. Et on va citer quelques bénéfices. Hein, inshallah. Et donc, elle sortit donc la lettre qui se trouvait dans ses cheveux tressés, hein, comme on a dit, fi'iqasiha, et nous l'amenâmes au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et voilà que s'y trouvait de la part de Hatib ibn Abi Balta'ah à des gens parmi les associateurs de la Mecque, qui les informaient de certaines affaires du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Hatib ibn Abi Balta'ah, c'est qui ? C'est un sahabi, c'est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et attention qu'on ne comprenne pas ici que c'est quoi une critique de Hatib. Au contraire, d'ailleurs, quand vous voyez dans les titres des chapitres, il est cité parmi les préséances de Hatib. Parce qu'il est dans le chapitre qui se consacre à étudier les vertus, à apporter les riwayats sur les vertus des Sahaba et les vertus du genre de Badr, et spécifiquement qui ? Les vertus de Fadail Hatib ibn Abi Balta'a. Mais de la part de Hatib ibn Abi Balta'a à des gens parmi les associateurs de la Mecque qui les informaient de certaines affaires du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Cheikh Ubayd, justement par rapport à certaines affaires, pour que vous compreniez un peu le contexte, Cheikh Ubayd Jabiri dans Imdad al-Qari, Bisharhi, Kitab Tafsir Musah al-Bukhari, c'est le livre dont je vous ai parlé maintenant, volume 4, page 156, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit en privé à certaines personnes qu'il allait attaquer Quraysh à la Mecque, alors que public, il avait dit que c'était quoi ? Khaybar. Et ça, c'est quelque chose qui est connu dans la sirah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein, si je me souviens bien, parce que j'ai fait Kitab Jihad complet de Boulomar avec Cheikh Abel Jabiri en 2003, hein, à Bahreïn. Et on dit « warra bi ghayriha ». C'est-à-dire que le prophète, quand il voulait par exemple attaquer un endroit, il faisait diffuser l'information que c'était un autre endroit, par stratégie. Hein, et les ulama, ils ont tiré des fawaid par rapport à ça, etc. Donc c'est quelque chose qui existe dans la sunna, d'accord ? Eh bien, ici, quoi, c'est que il allait attaquer Quraysh à la Mecque, alors qu'au public, il avait dit que c'était Khaybar. Mais Hatib faisait partie du peu de gens qui savaient la vraie intention du prophète, alayhi salatu wa sallam. Que vous sachiez un peu ce qui s'est passé, d'accord ? Donc, ils ont trouvé cette lettre, et dans cette lettre, ils ont trouvé que c'était de qui ? De Hatib ibn Abi Balta'a, à des gens parmi les associateurs de la Mecque qui les informaient de certaines affaires, on sait c'est quoi maintenant, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, Ma hada, O Hatib, qu'est-ce que c'est? Dans certains riwayats, vous voyez, Ma hamalaka ala hada, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Et vous allez comprendre, normalement déjà là maintenant vous devrez essayer de lier le hadith par rapport à ce qu'on a dit par rapport à la règle. Hein? D'accord? O Hatib, qu'est-ce que c'est? Il répondit, Ô messager d'Allah, ne te précipite pas à mon sujet. J'étais un allié de Quraysh et je ne suis pas originaire de Quraysh. Comme c'est expliqué parmi certains ulama dans l'explication du hadith. Et tu avais avec toi des muhajirons, des émigrés, qui ont des proches à la Mecque, qui protègent leur famille et leurs biens. Et j'ai donc voulu, même si je n'ai pas pu obtenir cela par filiation à Quraysh, obtenir par cela un bienfait de leur part, pour lequel ils protégeraient mes proches. Et je n'ai pas commis de mécréance, ni d'apostasie, ni d'acceptation de la mécréance après l'islam. Donc il expliquait, Hatib, qu'il a fait ça pour une raison. Hein? Et il expliquait pourquoi il l'a fait. Le messager d'Allah dit alors, il vous a dit vrai, sadaqakum. On va revenir plus tard par rapport à l'imam Shafi'i, par rapport à cette parole-là, Inch'Allah. Omar, il a dit alors, ô messager d'Allah, permets-moi de trancher le cou de cet hypocrite. Il, alayhi dit, il a participé à la bataille de Badr, et ici le lafd en arabe, c'est la'allallah tala'a ala al-Badr. Les ulama, ils ont dit ici, sans trop rentrer dans le détail, ici, que c'est du fait de tahqiq. C'est pour ça que moi, j'ai traduit directement par inna. Certes, Allah, ou car Allah a vu les gens de Badr et leur a dit, faites ce que vous voulez, car je vous ai certes pardonné. Alors maintenant, par rapport à, faites ce que vous voulez par rapport à ce que je vous ai pardonné, ça ne veut pas dire que c'est une autorisation de faire des péchés. Le ulama Ibn Hajar et d'autres, ils ont expliqué. Revenez aux explications de ulama par rapport à ça, Inch'Allah. Rapporté par Al-Bukhari. Donc, je ne rapporte pas toutes les références pour ne pas être technique, mais il y en a certaines qui sont importantes. Pourquoi? Bien parce que ça vous apprend les livres. Ça vous apprend les titres des chapitres des livres. Par exemple, comme on a dit, Fiqh al-Bukhari, rahimahullah, fi tarajumihi. Quand je vous dis, par exemple, rapporté par al-Bukhari dans son authentique livre du jihad, chapitre sur l'espion, numéro 3007, et Muslim dans son authentique aussi, livre des préséances des compagnons, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein? Chapitre des préséances des gens de Badr. Numéro 2494. Alors maintenant, Cheikh, il explique ce hadith, Cheikh Mazmoul, hafidhahullah, et il dit, فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر وغيره لا يحكم عليه بالكفر حتى يستفصل منه ويستظهر عن حاله ومحل الشهيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل حاطب عما صدر منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا Il y a dans ce hadith, Cheikh Bazmoul, il dit que celui qui commet une action ou une parole qui peut être soit de la mécréance, soit autre chose que de la mécréance, que cette personne n'est pas alors jugée comme mécréante jusqu'à ce qu'on lui demande de s'expliquer et que l'on ait pris des précautions quant à sa situation. Et le témoin argumentatif est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à Hatib concernant cet acte de sa part en lui disant « Ô Hatib, qu'est-ce que cela ?» Comprenez maintenant par rapport à la règle. C'est quoi la règle qu'on vient de dire, la 11e règle? C'est que l'affaire liée à la mécréance, c'est quoi? Si. Voilà, c'est que si ça peut être soit de la mécréance, soit autre chose, et bien qu'on ne juge pas la personne qui est en mécréance jusqu'à ce qu'on clarifie la situation d'abord pour savoir c'est quoi l'acte qui a été commis d'abord. Hein? Et donc le cheikh dit ici, « Oh Hatib !» Et ce professeur Azim Khadija, oh Hatib, qu'est-ce que cela? Et puis, Hatib lui-même, il a dit qu'il n'a pas fait ça par ridda ou par acceptation de la mécréance ou quelque chose de ce type. Hein? Mais il l'a fait pour avoir une protection pour sa famille et ses biens à la Mecque. D'accord? Ça va? Et c'est pour ça que vous voyez que c'est un qasima d'dahr des tekfiris, des khawar aujourd'hui, parce qu'ils ne font pas ce genre de tafsil. Là. Ils disent que toute personne qui aide le musulikin, eh bien, c'est quoi cet un? Alors que l'ulama, voilà, le hadith, il est clair, il est wadih ici. Et donc, il dit, le cheikh ici, et cela est indiqué. Écoutez bien, c'est important. Et il dit, le cheikh ici, c'est important. بالله وآياته ورسوله من بعض الصحابة، وكان هذا الذي صدر منهم لا يحتمل غير الكفر، لم يقبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتذار، وصار يردد عليهم قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بينما في قصة حاطب سأله: يا حاطب ما هذا؟ Et cela est indiqué par le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la moquerie d'Allah et de ses versets et de son messager a eu lieu de la part de certains compagnons, et que ce qui est arrivé de leur part ne comportait que de la mécréance, il n'a pas accepté d'excuses de leur part, et il se mit à leur répéter la parole d'Allah le Très-Haut, dont la traduction du sens est: ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Sourate Tawbah, verset 66. On a déjà parlé de ça dans un des cours précédents. Alors que dans le récit, et on va encore en parler dans Nawaqil l'Islam, inshallah, alors que dans le récit de Hatib, il lui a demandé: « Oh Hatib, qu'est-ce que cela ?» Vous voyez la différence? Les premiers, par rapport à Hatib, il lui a demandé. Parce qu'il y a Ihtamil ou Ihtamil. Tandis que, par rapport à ce qui s'était passé par rapport à l'ayah de surat Tawba, il n'a pas demandé. Parce que là, Ihtamil illa al-kufr. Maintenant, قال l'imam Shafi'i, rahimahullah, ta'liqan ala hadith Hatibin, في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام، وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله، وكان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله، ولم يستعمل عليه الأغلب، ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا، لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده. فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولا كان من بعده من بعده عفوا في أقل من حاله، وأولى أن يقبل منه أو يقبل منه مثل ما قبل منه. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Shafi'i rahimahullah? Il a dit, commentant le hadith de Hatib, il y a dans ce hadith, avec ce que nous t'avons décrit, délaisser le jugement en utilisant les doutes, car comme au sujet de la lettre, il était possible que cela soit comme Hatib l'a dit, qu'il ne l'a pas fait en doutant de l'islam, mais qu'il l'a fait pour protéger sa famille, comme il était possible que ce soit une erreur, mais pas en désirant quitter l'islam. Et comme il était aussi possible que ce soit le plus mauvais sens, alors ce qui a été pris en considération, c'est sa propre parole sur ce que comporte sa propre action. Et le jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à son sujet est qu'il ne l'a pas tué et n'a pas utilisé à son égard ce qui prédomine, et personne n'a fait en fonction de ce qui est apparent plus que ceci, car l'affaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se distingue par son importance à tous les fils d'Adam après lui. Et donc si c'est lui qui informe les associateurs d'une affaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait les attaquer à l'improviste et qu'il l'a cru et ne lui a pas reproché ce qui prédomine dans les esprits et que cela soit accepté, alors ceux qui viennent après lui et qui sont dans une situation moindre que la sienne sont plus en droit que ce soit accepté d'eux ou que soit accepté d'eux ce qui était accepté de lui. Maintenant, il fut dit à Shafi'i, regardez Shafi'i, regardez le fiqh de ulama, c'est pour ça que une des fois est d'étudier ce genre de livre et d'étudier ce genre de qawa'id par rapport au takfir, c'est qu'on voit déjà qu'il y a du détail. C'est des masailles très détaillées, très pointues, très précises. Hein? Et qu'il y en a certains qui rentrent comme des éléphants rentreraient dans des magasins de porcelaine, hein? C'est-à-dire sans aucune précaution, sans aucun ilm, sans aucun tout, ils cassent tout. Hein? Eh bien, on connaît leur erreur. Et c'est ça qui l'amène l'ilm. C'est que quand tu étudies et que tu dis le masail et que tu commences à comprendre les paroles de l'ulama, tu vois ton niveau, tu vois qu'il y a des choses dans lesquelles tu ne dois pas rentrer toi-même. Et tu comprends tes limites. Eh bien, écoutez ce qu'il dit. Et vous regardez le fiqh de l'imam Shafi'i, rahimahullah. قيل للشافعي أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق إنما تركه لمعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره فيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عز وجل منهم السرائر لئلا يكون الحاكم لحاكم بعده أن يدع حكما له مثل ما وصفت أو وصفت من علال أهل الجاهلية. Il fut dit à Shafi'i, vois-tu ce que quelqu'un venait à dire? Le messager d'Allah a certes dit, il a dit vrai. Il n'en est laissé que parce qu'il savait qu'il était véridique, que son action pouvait être considérée comme véridique ou pas. On lui répond. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui vient dire, ouais, mais le hadith que tu lis de Hadith, parce que le professeur Hassan, il savait qu'il était véridique. Hein? Et regarde la réponse de lui-même, Shafi'i, rahimahullah. Le messager d'Allah savait que les hypocrites sont des menteurs, mais a préservé leur sang en agissant en fonction de ce qui est apparent d'eux. Et que donc, si le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant Hatib est en fonction de sa connaissance de sa véracité, alors son jugement concernant les hypocrites aurait été de les tuer en fonction de sa connaissance de leur mensonge. Hein? Mais ce qu'il a fait, c'est de tous les juger en fonction de ce qui apparaît d'eux. Et il a confié leur secret dans leur fort intérieur à Allah le Très-Haut. Et ce, afin qu'un juge après lui ne délaisse pas l'un de ses jugements, à l'instar de ce qui a été décrit comme défaut des gens de la période pré-islamique. Et puis, Cheikh, il dit, sur la parole du même Shafi'i, rahmahullah, « وَكُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَامٌ » Ça, c'est une règle. « وَكُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَامٌ حَتَّى يَأْتِيَ عَنْهُ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ خَاصًا أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجودا في كتاب الله عز وجل. انتهى كلام شافعي في كتابه الأم. Écoutez, et tous ceux avec lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jugé est général, jusqu'il y ait une preuve rapportée de lui qui indique qu'il est voulu par cela le spécifique. Hein, parce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah ouais, mais c'est spécifique à Hatib. Où le délit c'est spécifique à Hatib. Donc tous ceux avec lesquels le messager d'Allah a jugé est général jusqu'à ce qu'il y ait une preuve rapportée de lui qui indique qu'il est voulu par cela le spécifique, donc rapportée de lui alayhi salatu wassalam, ou du groupe des musulmans pour lesquels il est impossible qu'ils ignorent une sunna venant de lui, ce qu'on appelle quoi dans le din? Là on dit, on a dit une sunna venant de lui, ça ou là? Après, à la fin, il va dire où qu'elle se trouve dans le livre d'Allah le Très-Haut. Et au milieu, entre les deux, il a dit ou une preuve du groupe des musulmans pour lesquels il était impossible qu'ils ignorent une sunna venant de lui. Naam, ahsan. Donc, fin de citation, voir Al-Umm, volume 4, page 250. On a fini la 11e règle, la 12e maintenant. Amr al-takfir il-mu'ayyan min al-muslimin. Encore une fois, cette notion qui revient. La budda fihi min qiyam al-hujja wa thubut shurut wa intifa' al-mawani'. Wa al-hakim al-muslim akkad al-shari'u hada fi haqqi. C'est quoi cette règle? On a déjà vu que l'individu spécifique, pour les mécréens, et encore une fois, je le redis jusqu'à ce que ce soit enraciné dans les esprits, dans les cœurs, c'est que c'est les ulama qui font ça. Hein? On a dit quoi? Que c'est jugé à l'individu spécifique parmi les musulmans comme étant mécréant, ça requiert de manière obligatoire que les preuves lui soient exposées, iqamat al-hujja, et que les conditions soient réunies, on a déjà vu ça, et que les barrières soient absentes. Écoutez ce qu'il va dire ici, c'est pour ça qu'il a rapporté ça dans une règle à part. Et le législateur a renforcé cela en ce qui concerne le gouverneur musulman. Dalil. An Junadata بني أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله. Certains ulama comme Cheikh Al-Harari l'Ethiopie, il a dit que ça veut dire أي جعلك الله من عباده الصالحين. On va le voir dans un instant, inshallah. أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. Ici moi j'ai أثرة. Parce que vous avez vu. وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. C'est un hadith très connu ça chez le Mashaykh. C'est un hadith qui est متفق عليه aussi. On va déjà traduire le hadith. Qui est la preuve de la règle. D'après Junadat ibn Abi Umayya, qui l'a dit, nous entrâmes chez Ubadat ibn Samit, alors qu'il était malade, et nous lui dîmes, c'est qui Ubadat ibn Samit? C'est qui? C'est quoi? C'est un compagnon du prophète, alayhi salam. Qu'Allah fasse que tu sois parmi ses serviteurs vertueux. Aslahak Allah. narre-nous un hadith que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont Allah te fera bénéficier. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appela et nous lui fîmes allégeance et il dit, parmi les choses au sujet desquelles nous lui avons prêté allégeance, c'est d'écouter et d'obéir au gouverneur. Mais c'est un hadith qu'on a déjà cité dans le livre Usul Sitta. Dans notre aisance et dans ce que nous détestons, et dans notre difficulté et dans notre facilité, et lorsqu'il nous prive des choses, de choses à leur bénéfice. Regardez le hadith Nabawi comment il est. Vous voyez le mawqif de Wallah, le dalil que Ahl Sunnah Jama'a Salafiyun, c'est Jama'at al-Haq. Parce que vous voyez dans toutes les fitaines qui arrivent aujourd'hui, c'est les seuls qui se tiennent à ce genre de texte-là, de narration-là. Donc on a dit, et lorsqu'ils nous privent de choses à leur bénéfice, et que nous ne disputions pas l'affaire à ces gens, sauf si vous voyez d'eux une mécréance claire, apparente, bawah. Dans certaines riwayats, c'est barah. C'est le même genre de sens. Et les ulama expliquaient quoi que c'est wadih, c'est clair, apparent, zahir. Apparente au sujet de laquelle vous avez une preuve venant d'Allah. Il s'est rapporté par le Bukhari dans son authentique Kitab al-Fitan. Et Cheikh Al-Uthaymeen l'a expliqué ce chapitre, je vous le recommande vivement. Kitab al-Fitan, surtout on vit dans une époque de fitan, et il y a beaucoup de textes qui nous sont rapportés de la Sunna sur le fitan. Et il y a une sourate du Coran qui est appelée Sourate al-Fitan, c'est laquelle? Allez, je vous aide. Alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim al-ankabut. Un de ces noms c'est sourate al-fitan. Comme par exemple sourate an-nahl, un des noms sourate an-nahl c'est sourate an-ni'am. Parce qu'Allah Azza wa Jalla parle beaucoup des ni'am dans cette sourate là. Comme j'ai dit en Belgique aux frères, on a beaucoup parlé de Coran, Cheikh Al-Adani il a parlé de Coran. Et subhanallah, c'était pas vraiment fait exprès, mais le sujet que j'ai fait de Cheikh Abdel Bukhari le samedi sur la piété, et le sujet de Cheikh Ramzan sur une affaire importante, puis le sujet que l'a fait Cheikh Al-Adani, en fait, tous concordaient. Et on a beaucoup insisté sur le Coran. Le Coran, vivez avec le Coran, mémorisez le Coran. Lisez le tafsir du Coran, et je vous conseille le tafsir Mouyassar, comme dit Cheikh Azin Ramadani. Il conseille l'édition de Cheikh Saleh Ali Cheikh, ça a été fait sous deux ministres différents des affaires religieuses en Arabie Saoudite, et c'est un tafsir salafi. Cheikh Saleh Ali Cheikh, c'est lui qui était responsable de ça, et c'était fait par une assemblée d'ulama, et c'est très facile, et c'est ce qu'il dit Cheikh Adil Ramadani, parce que dans un dars, on ne va pas faire trop long, mais un dars que j'ai tweeté le lien, qui s'appelle Madkhal Ta'sili fi Dirasat al-Qur'an, Tafsir al-Qur'an. C'est un cours de 3 heures dans une daura qui fait que, il traite du sujet du tafsir en général. Il rapporte les livres, l'importance du tafsir, comment les salafs étaient dans le tafsir, comme Asruq par exemple, Rahimahullah, il est parti de chez lui jusqu'à Al-Basra pour le tafsir d'un verset. Il a trouvé que la personne qui était à Basra, elle était partie vers le Sham, il s'est repréparé, il a renvoyé jusqu'au Sham, tout ça pour savoir ce que voulait dire un verset du Coran. Il a rapporté la parole de l'imam Mujahid, Rahimahullah, qui est l'élève d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui l'a dit Ahabbu an-nas ila Allah. Si toi, mon frère ou ma soeur, tu veux faire partie des gens qui sont les plus aimés par Allah, regarde ce qu'il a dit Mujahid. A'lamuhum bima anzal. Les gens les plus aimés par Allah, ce sont les plus savants de ce qu'il a descendu, de ce qu'il a révélé. Tout ça, c'est des choses qui nous poussent à prendre le tafsir le Coran. Et que de faire comme les sahabas, ils ont fait. Et il a rapporté certaines narrations qui montrent que le sahaba, il disait que celui qui lisait parmi eux le Baqara Ali Imran, il avait un haut degré. Chez les sahaba, ça veut dire quoi lire? Lire, mémoriser, connaître le tafsir et mettre en application. Et c'est ça la vraie voie dans le Coran, c'est d'étudier comme ça. C'est d'apprendre, mémoriser, bien lire, bien mémoriser, bien revoir, de connaître le tafsir. Et parmi ça, il y a des livres qui ont été facilités. Il y a Ibn Kathir qui a un excellent livre, mais Cheikh, il dit que c'est le niveau 2 ça. Et c'est difficile pour quelqu'un qui est débutant de sortir avec un ma'na ijmali. Parce que toi, qu'est-ce que tu cherches en lisant le tafsir du Coran par rapport à un verset? C'est que tu saches après dire toi-même le sens général du verset. C'est pour ça qu'il conseille de le lire plusieurs fois. Et que c'est un tafsir qui est très facilité. C'est pour ça qu'il s'appelle le tafsir Mouyassar, le tafsir facilité. Parce qu'en fait, il te rapporte directement le sens général du verset. Et c'est important aussi, comme dit Cheikh Adel Ramadani, de connaître le sabab nuzul. Et de connaître aussi ce qu'on appelle le gharib, c'est-à-dire certains mots qui sont un peu difficiles à comprendre, peut-être, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Pourquoi? Parce que le tafsir, des fois, il est basé là-dessus. À la kulli hal, pour pourquoi j'ai parlé de tout ça, parce qu'on a parlé de l'ankabout et parce qu'on a parlé de l'fitan. Ici, livre des épreuves, chapitre de la parole du prophète, vous allez voir jusqu'à la fin du hadith, numéro 7056, et Muslim, dans son authentique aussi, livre de la gouvernance, qui est appelé Imara, chapitre de l'obligation d'obéir au gouverneur, sauf dans la désobéissance à Allah, numéro 1709. Et donc c'est un hadith qui est muttafaq alayh. Alors maintenant, fiqh al-hadith. Cheikh Bazmoul, il dit, hafidahullah, فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه وأن لا ينقل عن ذلك إلا أن لا ينقل عن ذلك إلا بيقين إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وعلى هذا فإن مجرد الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم وما دام الحال كذلك يرجع إلى الأصل وهو الحكم بإسلامه فلا يحكم بكفره زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة حتى تتحقق Je vais tout lire comme ça, on traduit tout après, Inch'Allah. L'awwal, l'amr l'awwal, an nara minhu kufra, fa ahala ila al-ru'ya, wa l'asl anha al-ru'ya al-basariya. Wa l'murad an yatahakak hada l'amr min al-hakim, wa yathbuta bi yaqin, fa la yakfi fihi mujarad al-qawl, wa al-za'm, wa al-naql lil-khabar biduni tahakak dhalika yaqina. Wa yuhakikuhu an al-qa'ida, c'est une règle qu'on a déjà cité dans un des cours, an man thabata islamhu bi yaqin, la yazulu anhu illa بيقين الأمر الثاني أن يكون ذلك ثابتا للجماعة وهذا مأخوذ من دلالة واو الجماعة regardez la grave comme c'est important إلا أن تروا الواو ici c'est un ذكر pluriel كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان الثالث أن يكون الأمر كفرا فلا يكفي كونه كبيرة من الكبائر الرابع أن يكون ظاهرا وهذا معنى بواحا الخامس عندنا في هذا الأمر الدليل والبرهان والحجة من الله تعالى في أنه كفر فالأمر المختلف فيه لا يكفر به. Et la parole sur le waw al-jama'a, je l'avais déjà cité de Cheikh Bazmoul quand on parlait de Usul Sitta de Sha'ab al-Jabiri. Donc Cheikh il dit ici, ce hadith établi, c'est le hadith de qui? Junadata ibn Abi Umayya. Qui a dit qu'ils ont visité qui? Ubadata ibn al-Samit, alors qu'il était malade. Et lui, il a rapporté du prophète. Ce hadith établit donc que le fondement en ce qui concerne le gouverneur musulman, c'est de juger qu'il est musulman et que donc il ne soit sorti de ce jugement que par une certitude. Sauf si vous voyez d'eux une mécréance claire, apparente, au sujet de laquelle vous avez une preuve venant d'Allah. Et donc, en se basant sur cela, il n'est pas correct de juger le gouverneur, mécréant par le doute et le soupçon. Et donc, tant que l'affaire est comme telle, nous retournons à l'origine, qui est de le juger musulman. Et donc, il n'est pas jugé mécréant, en plus de la réunion des conditions et de l'absence des barrières et de l'exposé des preuves, jusqu'à ce que cinq choses se concrétisent. Donc, on a Iqamat al-Hujjah, hein, Tawfur al-Shurut wa Intifa al-Mawani', plus cinq choses. Vous avez compris la règle qu'au niveau du législateur, au niveau du gouverneur, ça a été quoi? Renforcé du gouverneur musulman. La première de ces choses. Que nous voyons de lui une mécréance. Et donc ici, vous voyez, hein, l'arabe, il l'a antarao. Donc ici, il y a quoi? Une ro'ya, une vision. Vision de quoi? Il indique une vision et l'origine est que c'est la vision des yeux. Et ce qui est voulu, c'est que cela soit réel de la part du gouverneur. Et que cela soit affirmé avec certitude. Et donc la simple parole et la prétention et l'information rapportée ne sont pas suffisantes sans que cela soit réellement affirmé, établi avec certitude. Et cela est affirmé par la règle qui dit, on a déjà vu cette règle, celui dont l'islam est affirmé avec certitude, cela ne peut lui être retiré qu'avec une certitude. Et c'était une des 15 règles qu'on a citées. La deuxième, c'est-à-dire la deuxième chose qui doit se concrétiser. Que cela soit établi par le jama'a, le groupe. Et cela est pris de l'indication donnée par la lettre waou, qui indique le pluriel, ce qu'on appelle waou le jama'a dans la langue arabe. Sauf si vous, vous voyez, même en français j'ai traduit ça par quoi? Si vous, c'est pas le vous poli, hein, c'est le vous du pluriel. Sauf si vous voyez d'eux une mécréance claire, apparente, au sujet de laquelle vous avez une preuve venant d'Allah. La troisième, que l'affaire soit une mécréance, et que cela soit un grand péché ne suffit pas. D'ailleurs, beaucoup de choses par lesquelles les tekfiri jugent certains de nos gouverneurs musulmans, comme étant mécréants, hein, et bien c'est par quoi? Par des grands péchés qu'eux considèrent comme de la mécréance. Et puis, évidemment, ils savent très bien qu'ils peuvent faire avec des grands péchés, donc qu'est-ce qu'ils essaient de faire? De prouver que c'est une mécréance. Par exemple, ils disent, oui, mais il fait ça devant les gens. Et quoi, parce qu'il fait devant les gens, ça veut dire que... Hein, donc ça montre qu'en fait, il dit que c'est licite. Subhanallah l'adim. Hein? Et on a dit l'istihlal. Vous rappelez ce qu'on a dit sur l'istihlal? C'est une affaire qui revient au cœur, c'est une croyance. Donc comment tu peux le savoir si lui-même ne le dit pas? On avait dit, Cheikh Ali al-Haddadi l'avait dit, que si tout musulman qui commet un grand péché est un kafir, hein, parce que ça nécessite de lui qu'il a cru que c'est licite, et bien ça veut dire que toute personne qui fait un grand péché parmi les musulmans, c'est un kafir. Or, on sait très bien que c'est contraire à l'aqidah d'Al-Sunnah al-Jama'a. Ou bien vous avez des gens comme Abu Sahq al-Hawaini, et Cheikh Khalid Abou Abdelalaï, il a fait 900 pages de redoute sur lui. Et sur, hein, et ça a été, c'est un très beau livre que je vous conseille. Ça s'appelle sur le Qutbiyya. Et c'est un rad en fait à la base sur Abu Sahq al-Hawaini, hein, parmi les gens d'innovation d'Égypte. Même si certains considèrent que c'est un salafi, mais il n'a rien à voir avec la salafia. Eh bien c'est quoi? C'est que cette réfutation, elle est faite par Cheikh Khalid Abou Abdelalaï, elle est préfacée par Cheikh Oubel Jabiri, par Cheikh Mohamed Ben Omar Bazmoul, par Cheikh Hassan Al-Banna, par Cheikh Mohamed Mouhiddin et par Cheikh Falah Ismail. Et peut-être que j'en oublie encore un, je ne sais pas, mais moi j'en ai comme 5 en tête. Hein. Et là-dedans, il montre en fait qu'Abou Sahq al-Hawaini, il dit que celui qui reste sur un grand péché, cela indique que c'est un istihlal de sa part. Ça, c'est contraire à l'aqidah d'Al-Sunnah al-Jama'a. Yani al-Musir, ce qu'on appelle en arabe al-Musir al-Kabira. Il a prouvé, hein, en détail, avec l'Aqwal Salaf, l'Adillah, etc., hein, que c'est batil. Et je vous conseille vivement ce genre de livre. Wallahi, ikhwa, je le dis, je le redis, je le redis, je le redis, ikhwa. Barakallahu fikum, wafaqan Allah wa iyaakum, li kulli ma yuhibbuhu yardah. Sallallahu alayhi wa sallam wa lalakum tawfiq. Étudiez les livres de manhaj. Passez du temps à lire les livres de manhaj. Ce genre de réfutation. Wallah, dans les livres de réfutation, il y a un grand bien. Et on a connu, alhamdoulilah, beaucoup d'égarements, beaucoup d'erreurs via les livres de réfutation du ulama, et où ils ont expliqué aussi le haq. Parce que quand les ulama réfutent, qu'est-ce qu'il faut? Ils rapportent le haq. Et ils le rapportent en détail en plus. Hein? D'accord? Donc le fait, comme Cheikh Najmi l'a dit, comme Cheikh Rabi l'a dit, comme Cheikh al-Bukhari l'a dit, que le Mashaykh dise qu'il y a un grand bénéfice dans le fait de lire des réfutations. Et prenez garde à toute personne qui essaie de vous... De vous faire quoi? De vous faire dédaigner les réfutations, de dire que c'est une perte de temps. Adam, mets-le de côté, mais pas les livres de côté, mets-lui de côté. C'est pas les livres de réfutation qu'il faut mettre de côté, c'est lui qu'il faut mettre de côté. D'accord? Donc lisez, c'est 900 pages, wallah, il y a beaucoup de khair dedans. Et en plus, il y a des ta'liqats de Cheikh Hassan al-Banna en dessous, des ta'liqats de Cheikh Falah Ismail, etc., des fawaid qui rapportent par rapport à certains points, etc. Lisez ce genre, et dedans, il parle d'Ali Hassan. Il parle de gens comme Adnan Aour, il parle de plein de gens parmi les gens d'innovation, comme Machar Hassan aussi, hein, etc. Et ils rapportent leurs erreurs. Hein, parce que vous voyez que quelque part, ils sont liés, ces gens-là. D'accord? Étudiez les livres de Roudoud et les livres de Menhaj, comme je vous l'ai dit. Et j'en cite encore, il y a l'Ajoub al-Athariya qui est sorti l'année passée de Cherzid al-Madkhali, un livre entier de questions-réponses dans le Menhaj. Yani pour un salafi qoh, yani c'est un régal, sarahatan. Hein? Pour lui, celui qui a du choubot, ça lui fait mal à la tête, c'est son problème à lui. On a aussi l'Ajoub al-Mufida de Charles Fouzan. L'Ajoub al-Sadida de Cheikh Zayd. Vous avez aussi un autre livre de Cheikh Najmi. Vous avez Moudl al-Zoulal de Cheikh Najmi. Vous avez beaucoup de livres dans le ménage qui ont été écrits. Vous avez le Kawashif al-Jaliya que j'ai dit Cheikh Khalid Abou Abla'la. Vous avez. Hein, tous les chourouhats qu'on a de Usul Sunan, notamment celui de Hassan al-Iraqi, où il rapporte beaucoup de fawaid de Cheikh al-Albani, Cheikh al-Fawzan, Cheikh al-Athaymin en marge, etc., et qui a été introduit par et préfacé par Cheikh Oubel Jabiri. Lisez et écoutez les cassettes, et écoutez les doros. Là, il y a quelques semaines, hein, il y a eu au Koweït une magnifique jilsa, d'ailleurs je l'ai tweeté aujourd'hui, d'écouter rien que les noms des mashayikhs, ça vous suffit. Cheikh Ahmed Soubaï, Cheikh Ahmed Bezmoul, Cheikh Mohamed Marramzal al-Hajiri, Cheikh Khalid Abdelrahman, le Masri, et Cheikh Mohamed Al-Anjari. Tous ceux-là, ils étaient assis ensemble, ils ont fait, hein, une kalima sur la sunna, sur le manhaj. Allez, wallah, c'est un régal. Ils ont parlé de Cheikh Rabi, ils ont défendu Cheikh Rabi, etc. Allez, un grand khair. Mais Cheikh Ahmed Soubeyi raconte des anecdotes qui lui sont arrivées avec Cheikh Rabi et Cheikh Lalbani. Que Cheikh Rabi, il a fait exprès de l'envoyer vers Cheikh Lalbani pour que Cheikh Ahmed Soubeyi soit proche de Cheikh Lalbani, etc. Hein? D'accord? Et qu'il a dit que Cheikh Rabi, il y a très longtemps, il avait été invité au Koweït, etc. Et qu'il avait été même menacé, qu'il y a des gens qui étaient venus armés, etc. Et Cheikh Rabi, il a dit, on va, on parle, alhamdoulilah, on parle du haq. Hein? Donc il y a beaucoup de fois dans le ménage. Inch'Allah, c'est ce que je compte traduire, on s'apprend du temps, parce qu'il faut faire le tafrir, c'est presque 2 heures de cours. Hein? Mais écoutez, et c'est d'ailleurs c'est en vidéo, vous pouvez le retrouver en vidéo, si vous voyez Cheikh Ahmed Soubeyi, tout à l'heure un frère qui l'a tweeté, hein, vous voyez sur YouTube, vous voyez Cheikh Ahmed Soubeyi, vous voyez Cheikh Khalid Abdurrahman, etc. Et je vous recommande vivement les cours de Cheikh Khalid Abdurrahman. Hein? C'est un Cheikh égyptien, je ne sais pas si vous le connaissez, Cheikh Khalid Abdurrahman. Il y a Cheikh Khalid Abou Abla'la et Cheikh, ce qu'on appelle Cheikh Khalid Othman, si je ne me trompe pas, et vous avez Cheikh Khalid Abdurrahman. Cheikh Khalid Abdurrahman, je vous conseille vivement ses cours dans le ménage, dans l'aqida, etc. Il n'y a pas longtemps, il a fait quelques dourous dans Usul Sunnah, et maintenant il a commencé à Amdat l'Ahkam aussi. Usul Sunnah, l'imam Ahmed. Hein? Et Cheikh Rabi, il a des grands éloges sur ce Cheikh-là. D'accord? Vous vous rappelez ce qu'il avait dit, Cheikh Ahmed Soubeyi, quand il est venu? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, Alikum bishuyukh al-ma'araka. Hein, les shuyukh, les combattants. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est ceux qui sont dans le premier rang face à Al-Bida' al-Ahwa. Il a cité des noms parmi Cheikh Obeid, Cheikh Rabi', Cheikh Mohamed Ben Hadi al-Madkhali, Cheikh al-Bukhari, Cheikh Sahimi, Cheikh Zayd al-Madkhali, etc. Hein? Il a dit attention, ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas les autres ulama aussi, mais plus spécifiquement, pourquoi? Parce que c'est eux qui sont au premier rang face à Al-Bida' al-Ahwa. Donc encore une fois, étudiez, ya ikhwa, jazakum Allah khairan, étudiez les livres de manhaj, étudiez les règles dans le manhaj, étudiez les réfutations, étudiez tout ça, alhamdulillah, et sachez, que vous soyez à l'an ilm, qui n'est pas un qui vient vous tourner avec une choubha. Hein? Ça m'a fait vraiment plaisir, je sais que les frères nous écoutent là, parce que le Furqan, ils sont branchés aujourd'hui. Hein? Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir, Cheikh Al-Adani l'a dit aussi. Hein, parce que j'étais avec lui dans la voiture et je lui montrais des frères qui passaient parce qu'ils allaient se rendre au cours, etc. Et je lui dis, celui-là, il a hafiz le Coran, ya Cheikh. Celui-là, il a presque fait le Coran. Celui-là, il connaît l'arabe. Celui-là, il a lancé l'arabe. Il a dit, où ces frères, ils ont appelé tout, où ils ont pris l'arabe? J'ai dit, ici, ya Cheikh, ils n'ont pas voyagé. Hein? Pourquoi? Parce qu'on aura toujours donné l'éducation de talab l'ilm. Et le manhaj, alhamdoulilah, wadih. Il n'y a pas, alhamdulillah, il n'y a pas qui va essayer de venir le mettre des choubou, etc. Parce qu'ils ont donné l'importance depuis le début à hafiz le Coran, à hafiz la sunna, à apprendre la langue arabe, à étudier l'aqida, etc. Et à lire les livres des rodod. D'accord, toi, tu viens de mettre une choubou, ils savent d'où tu viens, qu'est-ce que tu es en train d'essayer de dire, etc. Qu'Allah nous préserve et les préserve, et nous affermise et affermise, et qu'il nous donne tawfiq et leur donne tawfiq. Hein? Non, mais alhamdoulilah, je vous dis ça pour vous annoncer des bonnes nouvelles, parce que alhamdoulilah, en Belgique, il y a une grosse dawa qui commence, alhamdoulilah. Hein, les cours, ils étaient remplis, alhamdoulilah, il y avait beaucoup, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Hein, il y a même des gens qui se déplaçaient dans d'autres villes, etc., pour aller aux cours, etc. Et quand je vais à Mons ou quand je vais à Charleroi, etc., il y a des gens qui font le déplacement, même des fois de France, ou même d'autres villes de Belgique, etc., qui nous suivent partout où on va dans les cours, etc. Donc il y a une grosse demande, là, alhamdoulilah. Hein, et encore une fois, c'est peut-être pas le sujet du cours maintenant, mais ça fait partie de dawa aussi. Il faut les aider financièrement aussi. Hein. Il faut les aider financièrement. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent, qu'en fait, on ne peut pas faire des appels aux dons, etc. Même si c'est une fatwa de Cheikh Moqbil, etc. D'ailleurs, moi, j'ai téléphoné déjà maintenant, et je continue, Inch'Allah, à certains élèves de Cheikh Moqbil. Ils m'ont dit que ce n'est pas vrai, ça. Et ils m'ont expliqué, en fait, le fiqh correct par rapport à ça, etc. Hein? Il ne faut pas écouter ces gens-là, Allah yazikoum bikhir, hein? Parce que ça ne rentre pas dans le dhamm al-mas'ala. Parce que dhamm al-mas'ala, comme les choux, ils ont expliqué. Hein, et j'ai des audios, alhamdoulilah, ils disent que Dam al-Mas'ala, c'est quand tu demandes pour toi, sans haja, sans besoin, et qu'en t'humiliant. Il a dit ça, c'est pas autorisé. Et même si tu demandes pour toi, avec une haja, et sans t'humilier, dans Dam al-Mas'ala, il y a un chapitre, d'ailleurs, Cheikh Moqbil dit que c'est autorisé, il montre des riwayat par rapport à ça. Et il cite des hadiths que moi, j'ai cité à certains des frères, même si eux, ils n'ont pas accepté. Hein, j'ai cité que le hadith, le prophète Hassim, il s'est levé, et il a dit, pour Jaysh al-Usra, et pour l'armée de la difficulté, il a dit aussi pour le puits de Rome. Il a dit aussi pour la mosquée, hein, etc. Et quand Othman ibn Affan, il a obtenu le Jannah par rapport à ça. Radil anhu wa arda. Et que le prophète, il a incité les gens à donner. Et le hadith où il a vu qu'il y a des gens qui étaient miséreux, qui avaient l'air miséreux, qui avaient l'air pauvres, etc. Et il a demandé que les gens leur donnent quoi? As-sadaqa. Vous connaissez ce hadith, hein, je pense. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Quand il y en a un qui s'est levé, qui a commencé à faire la sadaqa, il a dit quoi? Man sanna. Hein, c'est un hadith très connu. Fil islam sunnat al hasanat jusqu'à la fin du hadith. Parce que c'est quelque chose qui était déjà mashrou, c'est pas une bid'a qu'il a fait, c'est quelque chose qui est déjà légiféré, mais que lui, par son action, eh bien, les gens l'ont suivi parce qu'il l'a fait en premier, etc. Donc les chiouks, ils ont dit ce que moi je connaissais, mais ils ont fait que confirmer que quoi que. Naam, Cheikh Othman Salimi, au sujet duquel Cheikh Mokbel dit que c'est un alim. D'accord ? Et qui étudie Cheikh Mokbel et Cheikh Wassabi, etc. Il dit la même chose. Il a dit à des frères de France, et j'ai l'audio, etc. Il dit des frères de France qui vont dans d'autres mosquées pour demander pour leur propre mosquée. Il a dit Naam, c'est sahih votre tariqa ce que vous faites. Hein ? D'accord ? Donc, Allah yazikoum bikhair, il faut aider nos frères. Il ne faut pas écouter les ambiguïtés des gens qui soit cherchent à attaquer la da'wa, soit sont ignorants et répètent ce que les gens qui cherchent à attaquer la da'wa disent. Hein? Parce qu'ils n'ont pas l'arabe, ils ne connaissent pas le fiqh, ils ne connaissent pas le fiqh al-fatwa, etc. On leur apporte une parole de Cheikh Mokbel sortie du contexte, etc. Hein? D'accord. Et même sur le jim'iyat, j'ai demandé à Cheikh Al-Adani, j'ai encore bien confirmé avec lui, il a dit Cheikh Mokbel, mata wa huwa yafassil fi amr al-jim'iyat. Cheikh Mokbel, il est mort, alors qu'il faisait un tafsil dans amr al-jim'iyat, il ne dit pas que toutes sont interdites. Ils ont mis des conditions. Si les conditions sont réunies, alhamdoulilah. Et vous savez très bien, comme Cheikh Falah, il l'a dit quand j'en ai parlé. Et subhanallah, chaque fois que j'ai parlé à un savant de ça, il dit autre chose que ces frères-là, ils disent. Non, si vous voulez suivre les frères, c'est votre problème. Nous, on suit les ulama. Ils ont dit qu'en Europe, et c'est connu, tu ne peux pas faire da'wa si tu n'as pas une association. Tu ne peux même pas avoir une mosquée, tu ne peux rien avoir. Comment tu veux faire? Voilà, il y a des conditions, et elles sont strictes. Hein, il faut s'y tenir. Et salafi, alhamdoulilah, il s'y tient. D'accord? Hein, je vous dis ça parce que les frères de Furqan, ils sont, alhamdoulilah, une grosse da'wa qui commence, etc. Mais ils sont très limités financièrement. Et une des raisons, c'est que chaque fois qu'on a fait des appels, etc., pour les dons, ils se sont fait attaquer par ce genre de frères-là, etc. D'accord ? Alors qu'au Lihal, on s'est un peu écarté du sujet, mais c'est important des fois de parler de ce genre de sujet-là aussi. On a rapporter la troisième, d'accord, de ces choses-là, c'est que l'affaire soit une mécréance et que cela soit un grand péché ne suffit pas. Quatrième, que cela soit apparent, et c'est cela le sens de bawah, bawahan. Cinquième, que nous ayons concernant cette affaire une preuve et une évidence et un argument venant d'Allah le Très-Haut, que cela est une mécréance et donc on ne juge pas mécréant par les affaires sur lesquelles il y a divergence. Ça, c'est important de comprendre ça. Les ulama, ils expliquent bien ça. C'est que dans les omours, il y a divergence, il n'y a pas ni tekfir, ni tibdi', ni tifsiq. Treizième règle dans le tekfir. On a presque fini le cours, parce que le reste est très court, incha'Allah. Al-dhabit thalit achar, la tekfir bil ma'asi wa dhunub wa in kanat kaba'ira ma lam tustahal. Treizième règle, il n'y a pas de tekfir en fonction des désobéissances et des péchés, et ce même si ce sont des péchés majeurs ou grands péchés, tant qu'ils ne sont pas considérés comme licites. Cheikh dit, « وهذا هو الفرق بين جنس المعاصي والذنوب وجنس المكفرات المخرجة من الملة. » Et en cela réside la différence entre la catégorie des désobéissances et des péchés, et la catégorie des choses de l'ordre de la mécréance qui font sortir de la religion. Avec ça, on a fini la troisième règle qui est très courte, mais qui a quand même toute son importance. On continue un peu. On n'a plus beaucoup, on a une page, même pas et demie, et on a fini cette quatorzième règle aussi, inshallah. Et la quatorzième règle, c'est que الضابط الرابع عشر الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب وهو على نوعين. النوع الأول الاستحلال المكفر المخرج من الملة وضابطه أن يقوم لدى الشخص العلم بأن هذا الشيء حرمه الله تعالى ثم هو يعتقد أنه حلال. النوع الثاني الاستحلال غير المخرج من الملة هو الاستحلال العملي بمعنى فعل المعصية مع الاعتراف بكونها معصية وأنه آثم وأنه مستحق للعقوبة. 14e règle, c'est que juger licite un péché, ce qu'on appelle en arabe الاستحلال. C'est une affaire qui revient à la croyance et au cœur, comme on l'a déjà dit. Et l'istihlal, il est de deux types. Le premier, c'est l'istihlal qui est une mécréance qui fait sortir de la religion. Et sa définition est que l'individu a la science que cette chose a été interdite par Allah le Très-Haut, mais lui croit que c'est licite. Il y a taqid, il croit. Deuxième type, c'est ce qu'on appelle l'istihlal al-amali, et donc qui ne fait pas sortir de l'islam. L'istihlal dans les actions, et il peut se retrouver chez un croyant qui dans ce cas n'est pas en droit de recevoir le nom de, ça c'est des notions que vous devez connaître maintenant, de foi absolue, mais il est un croyant pervers, hein, ou qui a une foi diminuée, vous vous rappelez qu'on a parlé, etc. Hein, ce qu'on appelle le fasiq al-milli, مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال ابن تيمية رحمه الله: فحقيق بالمؤمن أن يحضر والاستحلال العملي لا يمتنع وجودهم في المؤمن، ولكنه الحال هذه لا يستحق اسم الإيمان المطلق، إنما هو مؤمن فاسق. قال ابن تيمية رحمه الله: فحقيق بالمؤمن أن يحضر استحلال محارم الله تعالى، وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة، وذلك يقتضي أنه من أعظم الخطايا والمعاصي. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. Ibn Taymiyyah, quand le fasse miséricorde, il a dit: Al-Istihlal, c'est de croire qu'ils, c'est-à-dire les interdits qui ont été interdits dans le Coran, sont licites pour lui. C'est de croire qu'ils sont licites pour lui. Et cela est parfois en croyant qu'Allah les a autorisés, et parfois en croyant qu'Allah ne les a pas interdits, et parfois en ne croyant pas qu'Allah les a interdits. D'accord? Et Cheikh, il dit: et cela en raison d'une déficience dans la foi en la seigneurie. Rububiyya. Ou en raison d'une déficience dans la foi au message, Risala. Et cela est un reniement pur, non basé sur une introduction. Je suis trompé parce qu'il y a deux paroles de Métimia, je répète celle-ci. Il incombe réellement aux croyants d'être sur ses gardes quant à l'istihlal des choses qu'Allah le Très-Haut a interdites, et qu'ils sachent que cela fait partie des causes les plus sévères de châtiment, et cela implique donc que cela fasse partie des erreurs et des péchés les plus graves. Et puis il cite un livre qui est Iqamat al-Dalil al-Ibtal al-Tahlil au sein de Fatawa al-Kubra d'Ibn Taymiyyah, volume 3, page 120. Deuxième parole d'Ibn Taymiyyah. قال ابن تيمية رحمه الله: والاستحلال اعتقاد أنها أي المحارم التي حرمها القرآن حلال له، وذلك يكون طارة باعتقاد أن الله أحلها، وطارة باعتقاد أن الله لم يحرمها، وطارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها. وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة. وطارة يعلم أن الله حرمها، ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرمه الله، ثم يمتنع عن الالتزام هذا التحريم ويعاند المحرم، فهذا أشد كفرا ممن قبله. وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته، فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته. Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, il dit: Al-Istihlal, c'est de croire qu'ils, c'est-à-dire les interdits qui ont été interdits dans le Coran, sont licites pour lui. Et cela est parfois en croyant qu'Allah les a autorisés, et parfois en croyant qu'Allah ne les a pas interdits, et parfois en ne croyant pas qu'Allah les a interdits. Et cela en raison d'une déficience dans la foi en la seigneurie, ou en raison d'une déficience dans la foi au message, et cela est un reniement pur, non basé sur une introduction. Et parfois il sait qu'Allah les a interdits, et sait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a interdit que ce qu'Allah a interdit, puis s'empêche de respecter cette interdiction, et s'obstine à l'encontre de celui qui l'a interdit, et ce genre est plus grave en termes de mécréance que celui qui le précède. Et il se peut que cela soit avec sa science que celui qui ne respecte pas cette interdiction, Allah le punit et le châtie. Puis cet empêchement et ce refus est soit en raison d'une déficience dans la croyance concernant la sagesse de celui qui donne cet ordre et sa puissance, et donc cela revient à ce qu'il ne croit pas à l'un de ses attributs. Puis Cheikh continue en disant: وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْعِلْمِ بِجَمِيعِ مَا يُسَدِّقُ بِهِ تَمَرُّدًا أَوْ تِبَعًا لِغَرَضِ النَّفْسِ وَحَقِيقَتُهُ كُفْرٌ، وهذا لأنه يعترف لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به، ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومجتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه. فهذا النوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد. وفي مثله قيل: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو إبليس ومن سلك سبيله. وبهذا يظهر الفرق بين العاصي، فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب أن لا يفعله، ولكن لشهوة ولكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة، فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع للانقياد، وذلك قول وعمل، لكن لم يكمل العمل. انتهى كلام ابن تيمية من الصارم المسلول. On va terminer cette parole sur cette parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, ou en tout cas la fin de cette parole. Il dit rahimahullah ta'ala, il se peut que cela soit avec une science de tout ce qu'il croit par insolence ou par suivi de l'inclination de l'âme. Et sa réalité est une mécréance, car il reconnaît à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam tout ce dont il est informé. Et il croit comme étant vrai tout ce que les croyants croient, mais il déteste cela. Et le hait, et en est mécontent en raison du fait que cela n'est pas conforme à ce qu'il veut et désire. Et il dit, moi je n'accepte pas cela, et ne le respecte pas, et je déteste cette vérité, et j'en fuis. Ce genre-ci est différent du premier. Et le juger mécréant est quelque chose de connu dans la religion par nécessité. Et le Coran est plein de tekfirs de ce genre. Mais de plus, son châtiment est plus grand, et il a été dit sur ses semblables, ceux qui ont le châtiment le plus sévère le jour de la résurrection, le savant pour lequel Allah n'a pas rendu sa science bénéfique. Et c'est Iblis et ceux qui ont suivi sa voie. Et par cela se distingue la différence avec le désobéissant. Il y a deux genres d'istihlal, on a dit. Avec le désobéissant, car lui croit l'obligation de cette action sur lui et aimerait ne pas commettre cela, mais le désir et le groupe l'ont empêché d'être conforme. Et il a donc en termes de foi qu'il croit et se soumet et obéit. Et cela est une parole et une action. Mais il ne les a pas complété l'action. Et c'est tiré de Sarim al-Masloul d'Ibn Taymiyyah, page 971-972, volume 3. Et avec ça, on a fini la 14e règle, et je laisse la 15e règle, qui est le fait que le tekfir ne revient même pas à Afrad al-Ulama, mais revient aux ulama qui sont enracinés dans la science, et les ulama qui sont eux, Wulat al-Amr. Pourquoi? Parce que comme il va le dire, le shir, il dit « Fahad al-bab min al-abab lati tahtaju ila si'ati ilm » Parce que cette affaire de tekfir, elle fait partie des affaires qui requièrent une étendue dans la science, une large science. Certains frères ici qui tournent autour de cette mosquée ici, une fois je lui dis, est-ce que tu as étudié Nawaqid l'islam? Il m'a dit non. Il dit, toi tu vas kafir les gens. Subhanallah, a dit. Le premier des premiers des premiers livres. Sur le sujet, toi tu ne l'as même pas étudié et tu y vas. Subhanallah, a dit. C'est ça, c'est parce que c'est le jahl. Ou bien le jahl murakkab. Alors que l'alim, Cheikh Hassan Benna, je lui pose la question, il a plus de 80, il a presque 90 ans. Cheikh Ben Baz lui a demandé de venir enseigner à l'université de Médine. Quand je lui parlais de ça, il m'a dit, ah, il m'a dit, c'est ni pour toi ni pour moi, ça, c'est pour l'ulama al-kibar, ça. Il a dit, ça, c'est le rasikhin fil ilm, il m'a dit, l'ulama al-kibar, laisse ali ou ala lak. Il s'est enregistré dans un cours qu'il a donné à Manchester. Allez, donc je laisse ça pour la semaine prochaine, Inch'Allah, normalement. Et donc, si tout va bien, Inch'Allah, la semaine d'après, même si je risque de voyager un peu dans les prochaines semaines, les prochains mois, Inch'Allah, on va commencer maintenant, proprement dire, Inch'Allah, et on commencera par le premier naqid, etc., Inch'Allah. Wa jazakumullahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.